Collège de France a été créé au XVIe siècle pour enseigner des matières qui ne l'étaient pas à l'université et pour développer un enseignement libre, mais l'esprit est resté. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Donc le Collège de France est une institution qui est faite pour la recherche fondamentale et pour lui permettre de se développer dans des conditions de confiance avec le temps qu'il faut pour que la recherche puisse se développer. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment sont articulés les deux legs de la Grande Guerre? La gestion industrielle de la ressource humaine d'un côté et de l'autre, l'Organisation internationale du travail qui va fêter ses 100 ans en 2019. L'aspiration à un régime de travail réellement humain est-elle compatible avec l'organisation scientifique du travail et la mobilisation totale du capital humain dans une compétition généralisée, s'interroge le juriste Alain Supiot. Comment la révolution numérique et la gouvernance par les nombres, les objectifs chiffrés, ont-ils modifié profondément l'organisation du travail? Dans les cours précédents, le juriste a montré le recul de l'hétéronomie, du gouvernement par les lois, le caractère insoutenable d'une société sans foi ni loi, et il s'est attaché aux formes de résurgence du gouvernement par les hommes. Dans ce type de gouvernement, l'inscription dans des liens personnels et non plus la soumission à une même loi impersonnelle définit alors la condition juridique des hommes aussi bien dans leurs rapports mutuels que dans les rapports avec les choses. Comme le souligne Alain Supiot, depuis 30 ans, le droit du travail a ainsi été le théâtre d'une lente et inexorable érosion des sécurités héritées de l'ère fordiste. Le cours d'aujourd'hui propose de comprendre le statut salarial issu de ce qu'on a appelé le compromis fordiste du nom d'Henry Ford jusqu'à sa crise dans notre monde contemporain. Alain Supiot rappelle aussi le préambule de la constitution de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, que l'on peut lire comme un syllogisme. Sans justice sociale, pas de paix durable et universelle. Sans justice sociale, c'est la guerre. La justice sociale implique un régime de travail réellement humain. Or, un tel régime ne peut advenir sans une police sociale de la concurrence à l'échelle mondiale, souligne le juriste. Il faut donc qu'une organisation internationale soit chargée de définir et de mettre en œuvre des normes du travail communes à toutes les nations. Alors comment interpréter la notion de régime de travail réellement humain? Comment le travail au XXe siècle peut-il méconnaître la condition humaine, soit par un déni de la pensée, lorsqu'on prétend aligner le travail de l'homme sur le modèle de la machine, soit par un déni de la réalité qui touche le manipulateur de symboles, l'intellectuel coupé du travail manuel ou le trader derrière sa machine? Quelle conception du travail a-t-elle pu rendre soutenable la fiction du travail marchandise? Nous gagnons tout de suite l'amphithéâtre du Collège de France le 21 mai 2014 pour le cours d'Alain Supiot, les figures de l'allégeance, aujourd'hui, les transformations des relations de travail de 1914 à la crise du compromis fordiste. Si l'on songe aux noms qui sont couramment employés pour désigner ou pour dresser une typologie des formes historiques d'organisation sociale, on est frappé de voir que ces désignations se réfèrent le plus souvent à une façon de concevoir justement et d'organiser le travail de façon collective. C'est ainsi qu'on parle de société esclavagiste ou féodale ou industrielle, reconnaissant ainsi à l'esclavage, au servage ou au salariat une place centrale dans l'organisation de la société tout entière à chacune des époques considérées. Alors, pour désigner le monde actuel, de quoi parle-t-on? Eh bien, on parle volontiers de société post-industrielle. Mais c'est une manière de dire notre difficulté pour caractériser le régime de travail qui est le nôtre. En effet, l'industrie, dans ses formes les plus tayloriennes, n'a nullement disparu, mais elle s'est massivement déplacée hors du monde occidental, notamment dans ce qu'on appelle les ateliers du monde, en Chine ou au Bangladesh, dont nous reparlerons. Donc, quant au poste, il tient lieu ici comme ailleurs, d'ailleurs comme dans poste moderne ou poste humain, de point d'interrogation sur un monde en gésine. Post-industriel veut donc dire que les métamorphoses actuelles de l'organisation du travail se situent dans la dynamique ouverte à l'âge industriel, mais que nous ne sommes pas encore parvenus à les comprendre et à les conceptualiser. Et l'an dernier, nous avions commencé d'aborder cette question en explorant les origines managériales de la gouvernance par les nombres. Et nous avons vu également à quelles impasses conduisait nécessairement cette gouvernance qui méconnaît ce qui distingue le travail humain de celui de la machine. Et nous avons vu à quelle résistance immunitaire se faisait jour en droit du travail, qui tout à la fois accompagne et borne les nouvelles formes d'organisation de ce qu'on appelle la gestion des ressources humaines. Donc cette année, nous allons examiner de façon plus systématique les transformations actuelles des relations de travail. Et à cette fin, je vais vous montrer dans ce chapitre 4 les grands équilibres sur lesquels reposait le droit du travail issu de la seconde révolution industrielle. On va commencer par industriel, on verra le poste après, si je puis dire. À partir de là, ce sera possible d'essayer de caractériser plus précisément, dans le chapitre suivant, le régime juridique de travail en train d'émerger sous nos yeux, sous la double pression du changement technique et de l'effacement des frontières du commerce. Alors, pour comprendre le régime de travail issu de ce qu'on a appelé le compromis fordiste, il faut commencer par revenir à l'événement fondateur de la société industrielle, c'est-à-dire à la Première Guerre mondiale. Première guerre dont nous célébrons, si je puis dire, ou commémorons cette année le déclenchement. Cette guerre a apporté à l'histoire du travail deux choses, à première vue contradictoires, mais en réalité solidaires l'une de l'autre. Je précise que je suis de ceux qui considèrent vraiment qu'il faut penser en termes de guerre de 30 ans. Vous connaissez la formule 1914-1945. Donc 14 ouvre un moment qui ne se clôt qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est durant cette guerre que l'organisation industrielle a cessé d'être cantonnée à certains segments de l'activité économique pour s'étendre à la société tout entière. Je vous cite ce que disait un ingénieur américain de management qui s'appelait George Babcock, qui avait participé à la fin de la guerre sur le front et qui, de retour aux États-Unis, a fait un certain nombre de conférences sur le management qui ont été publiées, du reste. La plus grande leçon, disait-il, que la guerre nous ait enseignée, il disait ça en 1919, dans une conférence à la Society to Promote the Science of Management, la plus grande leçon qu'elle nous a enseignée, c'est que l'expansion et l'approfondissement des principes d'organisation industrielle développés sous la forme des principes tayloriens d'organisation scientifique ont trouvé leur justification pratique sous le fardeau le plus lourd qu'ils aient jamais eu à porter. Donc la principale leçon de la guerre de 14, c'est la pertinence de l'organisation taylorienne du travail, du point de vue du management. Ernst Jünger, le philosophe allemand, a décrit ce tournant en termes... Alors, on va parler un peu de Jünger ce matin, parce que c'est un de ceux qui a perçu ça avec le plus d'acuité. Il a décrit ce tournant en termes de mobilisation totale, dit totale mobile machung en allemand, qui est un texte qui date de 1930. Et il observe que les guerres à l'ancienne, du type de celles qui ont opposé les monarchies européennes jusqu'au XIXe siècle, n'engageaient qu'une partie des ressources humaines et matérielles des États belligérants. Elles ne concernaient que certaines franges de la société qui étaient mobilisées donc, par le prince, mais qui se gardaient d'engager toutes ses forces dans la bataille. Et la Première Guerre mondiale fut la première expérience en vraie grandeur donc d'une mobilisation totale, c'est-à-dire dans un processus dans lequel, écrit-il, toute existence est convertie en énergie et par lequel la guerre devient un gigantesque processus de travail. Je vous lis cette citation. L'image de la guerre, qui la représente comme une action armée, s'estompe de plus en plus au profit de la représentation bien plus large qui la conçoit comme un gigantesque processus de travail. À côté des armées qui s'affrontent sur le champ de bataille, des armées d'un genre nouveau surgissent, l'armée chargée des communications, celle qui a la responsabilité du ravitaillement, celle qui prend en charge l'industrie d'équipement, l'armée du travail en général. Dans la phase terminale de cette évolution, et qui déjà correspond à celle de la fin de la Première Guerre mondiale, il n'y a plus aucune activité, fût-ce celle d'une employée domestique travaillant à sa machine à coudre, qui ne soit une production destinée, à tout le moins indirectement, à l'économie de guerre. Alors ce concept de mobilisation totale a inspiré celui d'État total, qui sera employé par Carl Schmitt, ou de totalitarisme, le concept d'Anna Arendt. Il conserve une grande valeur heuristique dans la mesure où les formes d'organisation ainsi mises en œuvre durant la Grande Guerre, alors c'est des formes sur lesquelles il y a quelques images qui vous montrent ce monde de la modernité industrielle qui apparaît pendant la guerre, donc ces grandes usines d'armement, vous voyez les femmes au travail, donc dans des contextes aussi d'organisation et de division scientifique du travail, eh bien ces formes, il faut bien comprendre, elles sont expérimentées, généralisées dans l'expérience de la guerre, mais ensuite elles impriment leur marque. Une fois la paix revenue, ce sont elles qui vont devenir le modèle d'organisation en temps de paix, le modèle d'organisation du travail. Et Junger en fait l'observation donc en 1930 dans un autre ouvrage qui est Le Travailleur. Malgré les spectacles tout aussi grandioses qu'effroyables des dernières batailles de matériel où les hommes ont pu assister au triomphe sanglant de leur talent d'organisation, les possibilités ultimes n'ont pas encore été atteintes. Même si l'on s'en tient au versant technique de ce processus, elles ne peuvent l'être qu'à partir du moment où l'ordre militaire impose son modèle à l'ordre public en temps de paix. C'est ainsi que dans bien des États de l'après-guerre, nous pouvons observer à quel point les nouvelles méthodes d'organisation se conforment déjà au modèle d'une mobilisation totale. Et donc le premier leg de la guerre mondiale à l'organisation du travail, c'est ce régime de mobilisation totale qui a pris aujourd'hui la forme d'un marché total engageant tous les habitants de toutes les nations du monde dans une guerre qui n'est plus une guerre militaire mais une guerre économique, perpétuelle et sans merci. Le second apport de la Première Guerre mondiale, le régime du travail, est beaucoup plus souvent aperçu et célébré. Il s'agit de l'institution, par le traité de Versailles, de l'Organisation internationale du travail, en 1919. Alors souvenons-nous de l'exposé des motifs de cette création qui figurait dans le traité de Versailles, c'était l'article 387 du traité de Versailles, et qui a été repris dans le préambule de la Constitution de l'OIT. Donc ce texte figure actuellement dans le préambule de la Constitution. Il est trop long pour le lire en entier, mais retenez ce qui est surligné, c'est-à-dire d'abord l'affirmation première, une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale. Alors cette affirmation sera reprise dans la déclaration de Philadelphie à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc à deux reprises, on dit l'expérience de la guerre nous apprend que sans justice sociale, nous avons la violence. Bon. Ensuite, le deuxième paragraphe sur lequel on reviendra beaucoup plus tard, c'est qu'il existe des conditions de travail qui impliquent pour un grand nombre de personnes l'injustice, la misère et les privations, ce qui engendre un mécontentement qui menace donc la paix et l'harmonie universelle. Et l'alinéa 3, la non-adoption par une nation quelconque d'un régime de travail réellement humain, alors c'est là que nous avons cette notion que j'ai utilisé pour le titre du chapitre, la notion de régime de travail réellement humain, fait obstacle aux efforts des autres nations désireuses d'améliorer le sort des travailleurs dans leur propre pays. Donc, nous avons l'idée qu'il faut sortir de la concurrence internationale la question des conditions de travail. Il faut que la concurrence s'exerce sur autre chose que sur les conditions de travail. Donc il faut une police internationale, police sociale de la concurrence internationale, c'est exactement. Ça garde une assez grande actualité comme affirmation, vous le comprenez bien. Donc, au fond, pour résumer ce préambule, c'est « sans justice sociale, nous aurons la guerre ». La justice sociale implique un régime de travail réellement humain. Or, un tel régime ne peut advenir sans une police sociale de la concurrence à l'échelle mondiale. Il faut donc qu'une organisation internationale soit chargée de définir et de mettre en œuvre des normes du travail communes à toutes les nations. Voici en résumé le second apport de la Grande Guerre à la question de l'organisation du travail. Cet apport sera durable puisque l'OIT est la seule organisation internationale à avoir survécu à la disparition de la Société des Nations et avoir réintégré donc les Nations Unies. Donc c'est la doyenne de toutes les organisations internationales et son mandat a été réitéré et précisé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc dans la déclaration de Philadelphie. Et cette vieille dame s'apprête à fêter dignement son centenaire en 2019. Enfin, il faut avouer que son état correspond à son âge. Mais nous y reviendrons. Il y a aussi l'année prochaine un colloque. Nous aurons ici le nouveau directeur général de l'OIT. De mémoire, c'est le 20 janvier. Je fais un colloque sur les chaînes de sous-traitance en collaboration avec l'OIT. Alors, vous voyez, nous avons deux legs de la guerre. D'un côté, la généralisation, la mobilisation totale, pour reprendre le concept, et puis de l'autre, l'aspiration à un régime, ou l'affirmation de la nécessité d'un régime de travail réellement humain. Alors, comment se sont articulés ces deux apports ? L'aspiration à un régime de travail réellement humain est-elle compatible avec l'organisation scientifique du travail ? Et avec la mobilisation totale du capital humain dans une compétition généralisée. La réponse dépend de l'interprétation que l'on fait de la notion de régime de travail réellement humain. En fait, cette notion peut être comprise sous deux sens différents. Dans son sens fort, c'est le travail lui-même qui doit être réellement humain. Mais qu'est-ce que c'est qu'un travail réellement humain ? À première approche, on peut dire qu'il doit s'agir d'un travail permettant à celui qui l'exécute de mettre une part de ce qu'il est dans ce qu'il fait. Car tel est le propre du travail de l'homme, c'est ce qui le distingue du travail de la machine ou de l'animal, c'est qu'il prend racine dans des représentations mentales que le travailleur s'efforce d'inscrire dans l'univers des choses ou des symboles. Et ça, ce n'est pas le fait seulement des intellectuels. Eux, c'est dans l'univers des symboles. Mais vous voyez, le succès des bricoramas, vous avez l'idée que dans le coin de la salle de bain, on pourrait mettre une petite étagère, etc. Donc vous avez déjà ça, et puis vous allez le faire. Bon, quelquefois, l'étagère sera un peu de travers. L'idée que vous aviez ne se projette pas. Mais il y a toujours ce processus. Donc, on se représente quelque chose et on l'inscrit dans la réalité. Et l'inscrivant, on découvre soi-même sa capacité à poser correctement des carreaux ou des étagères dans une salle de bain. Donc on apprend quelque chose sur soi. Et c'est en cela que le travail est aussi une école de la raison. Parce qu'il met nos images mentales aux prises avec les réalités du monde extérieur. Il nous oblige à prendre la mesure et de ce monde, et de ses représentations. Et Simone Weil l'a dit dans une de ses formules fulgurantes dont elle a le secret. Vous devez commencer à comprendre que j'ai beaucoup d'admiration pour... je considère que Simone Weil est un des plus grands esprits du XXe siècle. Elle écrit « C'est par le travail que la raison saisit le monde même et s'empare de l'imagination folle. » Donc il y a dans nos cerveaux toujours les ressources et les menaces du délire et de la folie, mais le travail nous oblige à confronter ce que nous avons dans la tête avec ce qui nous entoure, avec nos semblables, avec l'univers des choses, et par conséquent, c'est une domestication de l'imagination qui en fait un moteur pour créer du neuf. Mais cette confrontation n'existe pleinement, ce n'est pas par hasard que j'ai pris l'exemple de Bricorama, sans faire de publicité particulière, elle n'existe pleinement que dans ce qu'on appelle très improprement le travail manuel, qui mobilise à la fois le corps et l'esprit dans l'expression, et c'est un mot dont il faut souligner la profondeur et la complexité, d'un savoir-faire. Savoir-faire. C'est pourquoi la même Simone Weil concluait son ouvrage sur les devoirs envers l'être humain, son dernier livre, L'Enracinement, en affirmant que le travail physique devait être le centre spirituel d'une vie sociale bien ordonnée. Alors, le travail intellectuel a bien lui aussi une dimension physique. Il requiert un état de santé minimal et la maladie compromet ses conditions d'exécution. Mais il ne met pas le corps aux prises avec le monde comme le fait le travail du paysan, de l'ouvrier, du sculpteur ou du danseur. C'est ce qui conduisait d'ailleurs Proudhon à dire, alors c'est aussi très joli ce que disait Proudhon, « Celui qui a son idée dans le creux de la main est souvent un homme de plus d'intelligence, en tout cas plus complet, que celui qui la porte dans sa tête, incapable de l'exprimer autrement que par une formule. » Alors, cette valorisation du travail manuel comme étant celui qui est le plus apte à instituer la raison, pose la question, évidemment, des risques, en revanche, courus par ceux qui sont ce que Robert Reich, l'ancien ministre du Travail de président Clinton et grand économiste, appelait les manipulateurs de symboles dans son livre sur The Work of Nations. Il dit, à l'échelle mondiale, maintenant, il y a une sorte de division qui s'institue entre, d'un côté, les manipulateurs de symboles, et puis, d'autre côté, les gens qui sont dans des tâches routinières. Eh bien, le travail des manipulateurs de symboles, du type de celui que j'effectue en ce moment précis, mobilise un savoir dire, un savoir écrire, un savoir parler, un savoir compter, mais pas un savoir faire. C'est-à-dire, il ne confronte pas directement ces travailleurs aux réalités de l'écoumène, de leur milieu naturel, ce qui les expose au risque de délirer. Et Cioran en a fait la remarque à propos des penseurs, en termes généraux, lorsqu'il dit que le tête-à-tête avec l'idée incite à déraisonner, oblitère le jugement et produit l'illusion de la toute-puissance. En vérité, être aux prises avec une idée rend insensé, enlève à l'esprit son équilibre et à l'orgueil son calme. Le penseur en train de noircir une page sans destinataire se croit, se sent l'arbitre du monde. Cette pente délirante n'est pas le propre des penseurs et des idéologues. Elle est aussi celle où œuvrent de nos jours les ingénieurs de la finance, par exemple. Comme l'ont montré quelques affaires récentes, en France l'affaire Kerviel, leur travail les transporte dans un monde tout à fait détaché des réalités. Et il les entraîne, et nous avec, c'est ça le malheur, dans des boucles spéculatives dont le dénouement ne peut advenir que par un retour catastrophique du principe de réalité. Et dans l'affaire Kerviel, la Cour de cassation a estimé que le défaut de contrôle hiérarchique de ce trader par la Société Générale, je cite, avait concouru au développement de la fraude commise par lui et à ses conséquences financières. Elle en a déduit que ce trader, quoique condamné au pénal, ne pouvait être tenu civilement responsable des dites conséquences. Bon. Alors se dessinent ainsi les deux limites au-delà desquelles un travail méconnaît la condition humaine. D'un côté, celle d'un déni de la pensée, et de l'autre, celle d'un déni de la réalité. Le déni de la pensée advient lorsqu'on prétend aligner le travail de l'homme sur le modèle de la machine, aussi perfectionnée soit-elle. Et le taylorisme a été l'expression la plus achevée de cette forme de déshumanisation du travail. Le taylorisme repose sur l'interdiction de penser qui est faite aux ouvriers. On dit même que sur certains ateliers, il y avait écrit « check your brain out ». Le déni de la réalité est moins souvent aperçu. Il advient lorsqu'on coupe le travail de manipulation des symboles de toute expérience des réalités sous-jacentes à cette symbolisation. Pour employer une métaphore aujourd'hui répandue, ce type de travail substitue la carte au territoire. Il congédie les faits pour n'en retenir qu'une représentation fantasmée et expose ainsi au risque de démence individuelle ou collective. Alors ces deux formes de déshumanisation du travail ne sont pas les deux branches d'une alternative. Les massacres de la Grande Guerre et dans leur sillage ceux des totalitarismes du XXe siècle ont montré au contraire qu'elles peuvent se combiner lorsque des masses décervelées sont enrôlées au service de dirigeants hallucinés. Permettez-moi de citer ici une fois encore ce que Jünger écrit de l'expérience de la Grande Guerre. Les pays se sont transformés en gigantesques usines produisant des armées à la chaîne afin d'être en mesure 24 heures sur 24 de les envoyer au front où un processus sanglant de consommation, là encore complètement mécanisé, jouait le rôle du marché. La monotonie d'un tel spectacle rappelle le fonctionnement précis d'une turbine alimentée en sang humain. Et donc, inhumain, le régime qui ravale le travailleur à l'état de la bête ou de la machine, en le considérant comme le pur instrument des pensées d'autrui, mais est aussi inhumain, le régime qui coupe le travailleur de toute expérience des réalités sur lesquelles il agit. Alors, circonscrit par ces deux limites, le travail réellement humain possède une irréductible ambivalence. Il est à la fois maîtrise du monde et soumission au monde, il est à la fois œuvre et peine. Alors, la constitution de l'OIT aurait pu être interprétée dans ce sens fort qui oblige à se pencher, à s'intéresser au travail lui-même et pas simplement à ses conditions d'organisation. Mais la notion de régime de travail réellement humain peut s'entendre d'une façon moins exigeante. C'est la deuxième interprétation possible du concept. En considérant que ce qui doit être humain, ce n'est pas le travail, mais ce sont les conditions de travail. Ainsi compris, l'objectif fixé à l'OIT consiste à rendre humainement supportable un travail qui ne l'est pas forcément lui-même. Pour le dire avec les mots choisis par Norbert Wiener pour sous-titrer son livre « Cybernétique et société », on se contentera alors de s'interroger, c'est le sous-titre de son livre, sur l'usage humain des êtres humains. Comment peut-on user humainement des êtres humains? Alors c'est à n'en pas douter le sens faible que les rédacteurs du traité de Versailles avaient en tête, en témoigne, comme toujours très intéressante à aller voir, la version anglaise du texte. C'est pour ça qu'il faut absolument continuer, pour les textes internationaux, à travailler en plusieurs langues, parce que ça donne toujours à penser. Dans la version anglaise du texte du préambule de l'OIT, la notion de régime de travail réellement humain se trouve traduite par « human conditions of labor ». C'est autre chose. C'est des conditions humaines de travail. Donc l'exigence d'humanité ne vise pas ici le travail lui-même, mais ses conditions d'exécution. Cette interprétation restrictive est confortée par l'alinéa 2 du préambule que nous avons vu tout à l'heure, qui donne de ces conditions une liste d'exemples. Mais aucun de ces exemples ne concerne le travail en tant que tel. Tous concernent son coût, sa durée, son innocuité, ainsi que la liberté syndicale et la formation professionnelle. Autrement dit, ces conditions visent les termes quantitatifs de l'échange salarial et non pas la dimension qualitative du travail. Le travail lui-même est forclos de l'horizon de l'OIT. Cette interprétation est, vous le savez, celle qui a prévalu après la Première Guerre mondiale et jusqu'à nos jours. Ça n'a pas été sans discussion ni résistance, notamment dans les rangs du syndicalisme, résistances qui ont été retracées par le grand intellectuel et syndicaliste italien Bruno Trentin dans son maître livre sur la crise du fordisme que j'ai eu l'honneur de faire traduire en français l'année dernière. Vous trouverez dans ce livre, si ça vous intéresse, retracé tous les débats dans les années 30 dans la gauche politique et syndicale, sur qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on accepte le taylorisme comme un progrès? Ou est-ce qu'on fait au contraire de la défense du travail réellement humain un objectif premier de la lutte syndicale? Alors il montre que certains ont défendu cette thèse, mais qu'ils ont été minoritaires et qu'au contraire, à partir du moment notamment où l'Union soviétique s'est convertie au stakhanovisme et a fait du taylorisme le modèle d'organisation. Il cite Gramsci aussi. D'ailleurs, je vais vous donner quelques citations. Alors, ces voix discordantes, dont celle d'ailleurs de Simone Veil, ne sont pas parvenues à se faire entendre d'une gauche politique et syndicale qui non seulement s'est à l'époque majoritairement convertie à l'idée d'organisation scientifique du travail, mais a fait de cette organisation un modèle de gouvernement pour la société tout entière. Parce que c'est ça qu'il faut bien comprendre. Non seulement on dit il faut l'admettre pour le travail, mais on dit c'est tellement efficace que c'est comme ça qu'il faut penser la société tout entière. Alors on sait que Lénine, par exemple, voyait dans le taylorisme un immense progrès de la science. La révolution bolchévique aurait, selon lui, atteint son but le jour où, je cite, la société tout entière ne sera plus qu'un seul bureau, un seul atelier. Et selon lui, le socialisme étant engendré par la grande industrie mécanique, si les masses laborieuses qui instaurent le socialisme ne savent pas adapter leurs institutions au mode de travail de la grande industrie mécanique, il ne saurait être question d'instaurer le socialisme. Et Trentin cite quant à lui Gramsci, quand même un intellectuel qu'on peut dire plus profond que Lénine, enfin, si vous me permettez, enfin, bon, c'est un jugement de valeur. Lui aussi dit que la division du travail industriel fait ressentir aux prolétaires, je cite, « la nécessité que le monde entier soit comme une seule et immense usine, organisée avec la même précision, la même méthode, le même ordre dont il constate qu'il est vital dans l'usine où il travaille. » Alors cette fascination générale pour l'organisation scientifique du travail procède, selon Simone Veil, c'est elle qui trouve l'explication, à mon avis, de l'empire exercé sur les esprits par le modèle de la science classique, notamment de la physique classique, qui, de Galilée jusqu'au XIXe siècle, a pensé pouvoir expliquer le fonctionnement du monde par un calcul de masse et d'énergie. Et la notion d'énergie était directement dérivée de celle du travail dans son sens le plus élémentaire de force physique. C'est cette notion déshumanisée d'un travail réduit à l'état d'énergie mécanique que le taylorisme a mis en œuvre. La science, écrit-elle, n'a été au début que l'étude des lois de la nature. Elle est intervenue ensuite dans la production par l'invention et la mise au point des machines et par la découverte de procédés permettant d'utiliser les forces naturelles. Enfin, à notre époque, vers la fin du XIXe, on a songé à appliquer la science non plus seulement à l'utilisation des forces de la nature, mais à l'utilisation de la force humaine de travail. Et le taylorisme n'est que l'expression dans l'usine de cette fascination pour la science qui s'exprime dans tous les champs de la culture et pousse à considérer l'être humain comme une machine. Et l'essor industriel s'est accompagné dans la seconde moitié du XIXe siècle de celui des sciences sociales, qui prétendent étudier les hommes comme on étudie les choses. Donc sciences physiques et biologiques, techniques industrielles, sciences sociales, organisation scientifique du travail, tout est lié et tout porte à considérer que les hommes eux-mêmes peuvent être observés et traités comme des choses dont l'utilisation est débarrassée de toute considération du bien et du juste. Rien n'est plus étranger au bien, écrit encore Simone Veil, que la science classique, elle qui prend le travail le plus élémentaire, le travail d'esclave, comme principe de sa reconstruction du monde. Le bien n'y est même pas évoqué, par contraste, comme terme antagoniste. Visite aux usines Ford de Détroit par Michel Droit. Ici, l'atelier à Four-Martin des aciéries des usines Ford. Nous sommes en effet à Rougeplante, le long de la rivière Rouge où se trouve située la plus grande cité industrielle du monde, à savoir les usines Ford, s'étendant sur plus de 600 hectares, d'où sortent chaque jour, terminées, prêtes à rouler, 10 000 voitures populaires du type V8, pratiquement accessibles à tous, et qui sillonnent actuellement les routes des États-Unis. Nous nous trouvons en ce moment devant l'orifice d'une sorte de tunnel obscur d'où sortent à intervalles réguliers des châssis qui ont été peints en noir à l'intérieur du tunnel et qui immédiatement prennent place sur la chaîne. Dans une progression parallèle à celle des châssis arrivent les moteurs. Et voici le moteur qui vient d'être saisi par une sorte de griffe de fer tombant du ciel et qui en 4 secondes à peu près vient d'être posé à l'avant du châssis à l'endroit exact où il doit se trouver et où les ouvriers sont en train de l'ajuster pour l'instant et de procéder à la pose de l'arbre de transmission. J'ai devant moi des guirlandes multicolores, littéralement des guirlandes de carrosserie qui suivent la chaîne toujours dans un mouvement parallèle à celle-ci. À un certain point, elles s'arrêtent et par une sorte de mouvement latéral se déplacent alors perpendiculairement à la chaîne pour arriver jusqu'à elle et tomber littéralement du ciel sur le châssis. Voici pour l'instant une carrosserie verte qui vient d'arriver. Deux ouvriers, pas un de plus, l'ajustent en quelques mouvements automatiques qui rappellent singulièrement le charlot des temps modernes. Et voici la voiture qui repart vers le stade suivant de la chaîne, où cette fois c'est le capot qui tombe vers elle. Ce qui est extraordinaire, c'est cet immense balai minutieusement réglé qui entrecroise et qui entremêle ces figures. J'aperçois là-bas des pneus blancs qui, alignés comme des comprimés d'aspirine, descendent vers leur destin, c'est-à-dire vers les roues des voitures. Des hommes vont, des hommes viennent. Ils n'ont absolument pas l'air pressés. Ils sont totalement calmes, miraculeusement calmes, pourrait-on dire. Ils sont relax et ils font avec automatisme et précision des gestes qu'ils doivent répéter tous les jours et dans lesquels ils ont atteint, on peut bien dire, pratiquement la perfection. Mais il y a tout de même une question de contrôle mental qui joue, car ces hommes savent que si l'un d'eux manquait à un de ces gestes et s'arrêtait dans son travail, eh bien 499 autres exactement, car la chaîne emploie 500 ouvriers, 499 autres seraient immédiatement obligés de s'arrêter. Et nous voici maintenant à l'extrémité de la chaîne. L'une de ces voitures est arrivée à son point terminal. Elle a mis pour cela exactement 1h40. Le moteur est prêt à fonctionner. Elle va pousser son premier cri d'enfant nouveau-né. Le Collège de France et France Culture vous présente le juriste Alain Supiot, les figures de l'allégeance. Aujourd'hui, les transformations des relations de travail de 1914 à la crise du compromis fordiste. Alors, c'est ainsi forgé, au nom des progrès de la science, un consensus sur la manière de travailler efficacement. Si la durée du travail et la répartition de ses fruits se discutent, son contenu, en revanche, ne se discute pas, car il est censé obéir à des impératifs scientifiques et techniques. C'est ce qu'on a appelé le compromis fordiste, du nom de Henry Ford, qui décida d'allouer aux ouvriers, c'était avant la Première Guerre mondiale, une part de la productivité gagnée par l'organisation taylorienne du travail instaurée dans ses usines. Alors Ford, qui était par ailleurs un antisémite pas très attirant, avait cependant des formules sur l'organisation des entreprises qui, elles aussi, font contraste avec ce que dira par exemple Milton Friedman bien longtemps après. La règle à suivre pour les entrepreneurs, c'est de faire la meilleure qualité de bien possible au prix le moins élevé possible, mais en payant les salaires les plus élevés possibles. Bon, ça, c'est pas une formule qui semble être suivie aujourd'hui. Et il dit, donc, une entreprise qui ne fait que de la monnaie, qui ne fait que de l'argent, est une pauvre chose. Bon, c'est vraiment l'exact opposé de ce que dira l'économie standard. Alors, ça, c'est Henry Ford. En 14, il double le montant de ses salaires horaires et ça lui a permis de fidéliser sa main-d'œuvre et de la convertir en clientèle pour ses voitures. C'est ce qu'on appelait le welfare capitalism, qui se révéla extrêmement profitable et qui devint bientôt le modèle à suivre. Alors, le résultat de ce consensus sur l'interprétation, disons, faible de la notion de régime réellement humain du travail, ou, pour être historiquement plus exact, ce consensus sur le fait qu'il faut mettre l'organisation du travail hors débat politique, que ça relève de la technique et pas de la politique, ce résultat, c'était une réduction du périmètre de la justice sociale aux trois domaines évoqués par la constitution de l'OIT, c'est-à-dire celui des termes quantitatifs de l'échange salarial, salaire, temps de travail, prestations sociales, et celui de la sécurité physique au travail, en deuxième lieu, et en troisième lieu, celui des libertés collectives, libertés syndicales et négociations collectives. En revanche, la question de la direction du travail a été entièrement située du côté de la technique. On a considéré qu'elle revêt un critère d'efficacité et non pas de justice, et qu'elle devait donc échapper aussi bien à la démocratie politique qu'est la démocratie sociale. Et ce reflux de la justice sociale, ou de l'idée de justice au profit de la technique, est, nous le verrons, une constante de l'histoire juridique contemporaine, et on pourra la retrouver dans d'autres domaines. L'argument, en particulier, a été employé par Hayek, ou je me souviens de l'ancien président de la Banque Centrale Européenne, disant que ce qui ressort des disciplines monétaires relève de la technique et non pas, en aucun cas, de la délibération politique. Alors, une fois justifié par la technique, la division du monde du travail entre ceux à qui on interdit de penser et ceux qui sont payés pour le faire change de nature. Elle ne se présente plus comme une injustice fondamentale que le droit doit corriger. Cette injustice dont Chaplin ou Fritz Lang donnaient le spectacle, mais comme un mal nécessaire que le droit doit compenser. Et donc l'objet du droit social n'est pas d'instaurer une juste division du travail, c'est-à-dire une division du travail qui donnerait à chaque travailleur la possibilité d'avoir un travail réellement humain, mais c'est de compenser une aliénation au travail qui est jugée inévitable pour le plus grand nombre. Et nous avons ici la naissance de ce qu'on appelle aujourd'hui la gauche d'accompagnement, dont l'ambition se limite à rendre humainement plus supportables des sacrifices qui sont jugés indispensables à la marche du progrès technique et économique. Et d'ailleurs, depuis l'installation d'un chômage de masse, le droit à l'accompagnement, qui a d'abord été reconnu aux malades en fin de vie, hein, c'est l'article 1119 du Code de la santé publique, a aussi fait une entrée en force en droit du travail. Il y a un article très bien fait de M. Franck Petit, le droit à l'accompagnement, droit social 2008, c'est une notion qui monte. Donc les concepts fondamentaux du droit du travail moderne découlent de cette restriction du périmètre de la justice sociale. C'est le cas évidemment de la subordination qui fait de la soumission aux ordres le critère essentiel de la qualification du contrat de travail. Mais c'est le cas aussi de la notion d'emploi qui désigne l'ensemble des sécurités attachées par la loi à cet état de subordination. Donc limitation du temps de travail, minima de salaire, hygiène sécurité, sécurisation du contrat de travail, assurance sociale, etc. Employé, au sens étymologique du terme, c'est implicare en latin, c'est plier dedans. L'emploi désigne les conditions sous lesquelles un travailleur peut se plier à la volonté d'autrui dans l'exécution de son travail. Ainsi, le droit d'obtenir un emploi proclamé par la Constitution, c'est le droit de tirer d'un travail au service d'autrui les moyens de vivre dignement. Ce droit est du reste le seul de tous ceux énumérés par la Déclaration universelle des droits de l'homme à être ainsi directement fondé sur la dignité humaine. Le concept de dignité apparaît en ouverture de la déclaration, mais les seules mobilisations techniques du principe se trouvent lorsque le corps des personnes est en jeu, c'est pour le travail et la sécurité sociale. Et donc c'est là aussi nous avons cette même idée qu'il y a droit à une rémunération équitable qui assure à sa famille une existence conforme à la dignité. Et le droit du travail a ainsi servi à concilier les deux apports a priori inconciliables de la Grande Guerre. D'un côté, la réification du travail, métamorphosée en force de travail, qu'on peut acheter et vendre, comme on le ferait de l'énergie électrique. Et d'un autre côté, l'insertion dans tout contrat de travail d'un statut salarial qui protège la personne du travailleur contre les effets physiques et économiques de cette réification. Et ainsi conçu, le droit du travail a rendu soutenable la fiction du travail marchandise. Ça a permis de faire comme si le travail était effectivement de l'énergie électrique. Et a constitué avec le droit de la sécurité sociale et les services publics l'une des bases institutionnelles d'un marché du travail. Donc il fallait considérer que ça pouvait être cette chose détachée de la personne qui circulait. Alors évidemment, c'est une fiction, bien entendu. Faites le savoir aux économistes que le marché du travail repose sur des fictions juridiques. Et la fiction juridique, c'est pas la même chose que la fiction romanesque. Dans la fiction romanesque, on peut tout faire. Peter Pan. Mais la fiction juridique, elle est là pour soutenir, donc elle doit être compatible avec la réalité, pour être soutenable. Et donc pour qu'on puisse dire le travail est une marchandise qui s'échange sur un marché particulier appelé marché du travail, il faut quelque part prendre en charge le temps long de la vie humaine des travailleurs. Et il faut donc du droit social. De même qu'il faut du droit de l'environnement pour faire comme si la terre qui nous porte était une marchandise produite par nous. C'est quand même, là aussi, un montage intellectuel très sophistiqué, au sens étymologique de sophistiqué. Ça s'apparente au sophisme. Alors, les changements de dénomination de ce marché sont du reste instructives. Avec la consolidation durant les 30 glorieuses du statut salarial, l'appellation initiale de marché du travail avait cédé la place à celle de marché de l'emploi. Les plus vieux d'entre vous s'en souviennent, dans les années 70-80, on parlait de marché de l'emploi. Et depuis le tournant néolibéral des années 80, le marché du travail a reconquis sa place dans le vocabulaire politique et économique. Antienne de la Commission européenne des organisations économiques internationales, la réforme des marchés du travail est le nom de code du démantèlement du droit du travail hérité de l'ère fordiste. Et ce démantèlement doit rendre au capital humain sa liquidité et permettre la mobilisation totale du travail dans la compétition économique internationale. Donc, nous vivons pas de façon récente, mais depuis donc les années 80, une remise en cause du comprofit formis que je viens d'essayer de vous décrire. Et cette remise en cause a répondu à deux séries de raisons que j'ai aussi eu l'occasion d'évoquer l'an dernier. Des raisons technologiques, tout d'abord, avec la révolution numérique et le changement d'imaginaire qui l'accompagne. L'organisation du travail n'est plus conçue sur le modèle de l'horloge, mais sur celui de l'ordinateur. Et les théories du management évoluent du taylorisme vers la direction par objectif. Donc on ne vous dit plus « ne pensez pas ». Mais on dit qu'il faut que l'emprise de l'organisation du travail s'exerce sur votre cerveau même. Il ne s'agit plus de le débrancher, il s'agit au contraire de le mobiliser. Donc c'est une extension de l'idée de la mobilisation, c'est une nouvelle forme de management. Donc ça c'est un premier facteur de remise en cause, parce que du coup, les montages liés au taylorisme ne fonctionnent plus. Il y a aussi des raisons politiques, bien sûr, avec la chute du communisme, la libre circulation des capitaux et des marchandises et la mise en concurrence à l'échelle du globe, non seulement des entreprises et des travailleurs, mais aussi des législations. Donc ces transformations ont sapé les bases du compromis que le fordisme avait opéré entre la réification du travail et la protection du travailleur. L'ouverture des frontières du commerce a engagé tous les États dans une course à la baisse des standards sociaux, aboutissant à cela même que voulaient éviter les constituants de l'OIT, c'est-à-dire, je transpose ce qu'il y a dans la Constitution, à ce que la non-adoption par certains pays d'un régime de travail réellement humain fasse obstacle aux efforts des autres nations désireuses d'améliorer le sort des travailleurs dans leur propre pays. Après l'affaire du Raja Plaza, au Bangladesh, quand même, les plus grands accidents de travail, les plus importants de notre siècle et même un des plus grands de l'histoire industrielle, certaines entreprises clientes ont tout de suite dit ben, « on s'en va parce que ce n'est pas correct, et on va aller au Cambodge, c'est moins cher bon. ». Parce qu'en plus, les prix vont augmenter, il y a des initiatives qui ont été prises au Bangladesh pour essayer d'améliorer un peu les standards sociaux. Donc il y a bien cet obstacle. Et cette course est encouragée par les organisations internationales et par la Commission européenne dans le cadre européen au nom du respect de l'avantage comparatif que représente une main-d'œuvre bon marché pour ces pays. Et ce retournement n'a pas pu être empêché ni même freiné par l'OIT. Affaiblie politiquement par la disparition de la rivalité Est-Ouest, cette organisation internationale en fait n'a ni carotte ni bâton pour inciter les États à ratifier et observer ces normes. Alors, ça paraît un peu noir comme tableau, ce que je vous fais. Il se passe quand même des choses, hein, donc, sur lesquelles on reviendra, à l'initiative même d'un certain nombre d'entreprises. Quant à la révolution numérique et à la gouvernance par les normes qui l'accompagnent, elles ont modifié profondément l'organisation du travail. Il ne suffit plus d'obéir. Il faut être compétitif et performant. Tel est le nouvel horizon de la mobilisation totale. Alors, une préfiguration de ce nouveau mode de gouvernement des hommes se trouvait déjà à l'œuvre dans les régimes totalitaires. Seul compte, note ainsi Murat et Zilberman, qui ont réuni beaucoup de textes sur la représentation du travail dans les régimes totalitaires. Donc, seul compte, note-t-il à propos du régime nazi, la constante marche en avant vers des objectifs sans cesse nouveaux. Dans l'État sans loi, obéir à la lettre n'est rien. Plus que sur l'ordre, le citoyen saint se règle sur la volonté supposée du chef. Alors ça, c'était la version totalitaire. La volonté du chef, il faut même la deviner avant qu'il l'exprime. C'est ça qu'on attend de vous. Ce n'est pas d'obéir bêtement à des règlements. À la volonté supposée du chef, la gouvernance par les nombres substitue seulement l'objectivité supposée des chiffres. Donc les formes contemporaines de gestion de la ressource humaine ne requièrent plus du travailleur qu'il obéisse mécaniquement aux impulsions qu'il reçoit à la manière d'un piston ou d'un engrenage, mais qu'il réagisse aux signaux qu'il reçoit de son environnement en sorte de réaliser les objectifs fixés par le programme. Dès lors, l'organisation du travail ne repose plus sur la division du travail entre dirigeants qui pensent et subordonnés qui ne pensent pas, et sur la décomposition du travail de ces derniers en un ensemble d'opérations simples et mesurables. Cette organisation vise la mobilisation des capacités de tous les travailleurs, y compris les dirigeants. Les uns comme les autres doivent se montrer réactifs et réaliser des objectifs quantifiés qui leur sont assignés. Prenons l'exemple des universitaires. Dans les années 30, à l'époque industrielle, leurs conditions de travail n'ont pas du tout été affectées par le taylorisme. Qu'est-ce que ça a changé? Ils avaient un téléphone éventuellement, ils pouvaient prendre un bateau à vapeur pour aller dans des congrès. Mais ça, rien n'avait changé. Aujourd'hui, ils sont soumis, comme les autres, à des impératifs de publication quantifiés. H-facteur, etc. C'est-à-dire, la nouveauté du régime contemporain de travail, c'est que tout le monde est pris dedans. Le dirigeant de la société doit rendre compte des objectifs financiers qui lui ont été assignés, du cours de la bourse, du retour du bas de bilan, etc. Donc, on n'est plus dans un système où certains pensent et décident et font exécuter par d'autres qui ne pensent pas et ne décident de rien, mais dans une mécanique où chacun réagit aux signaux qu'il reçoit. Et au plan juridique, cette nouvelle conception du travail signifie un dépassement donc de l'opposition entre l'autonomie de la volonté et la soumission de la volonté, qui étaient des catégories de base en droit du travail. Ce qui veut dire que l'organisation du travail industriel reposait sur la distinction du travail indépendant et du travail salarié, et sur la subordination des dirigés aux dirigeants. Celle du travail post-industriel repose sur la programmation de tous. Seules diffèrent les modalités juridiques et financières de cette programmation. Pour les dirigeants, elle relève d'une politique de la carotte, donc du type bonus, stock options, retrait de chapeau, etc. Et pour les dirigés, d'une politique du bâton, c'est l'insécurisation de et dans l'emploi. Alors, la conjugaison de ces différents facteurs prive de stabilité le cadre spatio-temporel qui était celui du droit du travail de l'ère industrielle. Il ne faut pas perdre de vue que le droit du travail de l'ère industrielle a complètement reconstruit un cadre spatio-temporel autour des temps de métro, boulot, dodo, journée de 8 heures, congés payés. Toute l'organisation de la société a été produite par cette législation. Et ce cadre est aujourd'hui déstabilisé et on voit bien, chacun de nous, dans son rapport avec le petit écran qu'il a dans sa poche, jour et nuit, que le travail ne s'arrête pas à la fin de la huitième heure. Et que quelquefois, pendant les 8 heures, on fait autre chose que travailler sur écran. Enfin, il y a de la jurisprudence là-dessus, sur ceux qui regardent des images, etc. Bon. Donc, le cadre spatio-temporel né de la révolution industrielle est d'une façon générale disloqué. Et ça disloque avec lui les formes d'organisation de la vie familiale, de la vie privée, de la vie sociale. C'est pour ça que la discussion du travail le dimanche, on est vraiment dans la mobilisation totale. Il ne faut plus qu'existe dans l'organisation du temps l'équivalent de ce que sont les places publiques, des places qui échappent au commerce. On ne peut pas vendre et acheter. C'est un scandale. Donc, de même, il faut que 24 heures sur 24, tous les jours de l'année, on puisse acheter, travailler, consommer. Donc il faut que cette mobilisation soit réellement totale. Et c'est pour ça que le dimanche est conçu, perçu spontanément comme une sorte d'archaïsme. Alors, on assiste ainsi à une exacerbation de la mobilisation du capital humain au service non plus d'un État total, mais donc du marché total. Et sous la pression des impératifs de compétitivité, d'innovation, de mobilité, la situation de chaque travailleur répond plus que jamais à la description qu'en faisait Junger en 1932. Et c'est ça l'avantage des penseurs un peu profonds, c'est qu'ils voient les choses arriver. Le propre de notre situation consiste en ceci, que la contrainte du record règle nos mouvements et que le critère de performance minimale qu'on réclame de nous accroît l'ampleur de ces exigences de façon ininterrompue. Ce fait interdit totalement que la vie puisse, en quelque domaine que ce soit, se stabiliser selon un ordre sûr et indiscutable. Le mode de vie ressemble plutôt à une course mortelle où il faut bander toutes ses énergies pour ne pas rester sur le carreau. Alors, les effets de ce délitement des cadres juridiques de la justice sociale sont assez connus pour qu'il ne soit pas besoin d'y insister ici. Creusement vertigineux des inégalités, précarisation des emplois, installation d'un chômage de masse, notamment des jeunes dans de nombreux pays, nouveaux risques d'atteinte à la santé mentale, au travail, etc., etc. Alors, quels sont les effets de la globalisation en termes de justice sociale? Ça, c'est la question que nous impose de nous poser la déclaration de Philadelphie, et c'est la question taboue par excellence. Il y a très peu d'organisations à avoir accepté de travailler là-dessus. Il y a l'EBIT. Et l'EBIT, en 2008, à ma connaissance, c'est la seule organisation qui a essayé de faire cet exercice, de voir quels sont l'impact de la globalisation sur la justice sociale. Dans son rapport annuel sur le travail dans le monde, il avait dressé un bilan négatif des effets de la globalisation sur les conditions de travail. Et son directeur de l'époque résumait en ces termes les conclusions de cette étude, qui est l'une des rares à aborder de façon précise et documentée ce sujet tabou des effets de la libéralisation des échanges sur la justice sociale à l'échelle du monde. Vous trouvez ce texte en introduction de ce rapport 2008 sur le travail dans le monde. Une vue d'ensemble des principaux facteurs sous-jacents au phénomène d'inégalité des revenus montre que ces inégalités ont connu une augmentation qu'aucune analyse économique ne pourrait justifier et qu'elles ont des coûts sociaux et économiques considérables. Il en résulte une critique reposant sur une analyse objective de la manière dont la mondialisation financière s'est déroulée jusqu'ici. Les constatations rassemblées ici viennent conforter le point de vue de l'OIT, selon lequel le modèle de croissance qui aboutit à la crise financière n'est pas viable. Cela confirme qu'un rééquilibrage entre les objectifs économiques, les objectifs sociaux et les objectifs environnementaux est indispensable, aussi bien pour une relance économique que pour l'instauration d'une mondialisation équitable. Merci de votre attention. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 21 mai 2014, Alain Supiot, les figures de l'allégeance. Aujourd'hui, les transformations des relations de travail de 1914 à la crise du compromis fordiste. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations liées à cette diffusion. Alain Supiot a dirigé l'ouvrage collectif « Face à l'irresponsabilité, la dynamique de la solidarité » aux éditions du Collège de France en 2018. Je rappelle également sa leçon inaugurale « Grandeur et misère de l'État social chez Fayard » en 2013. Son cours sur la gouvernance des nombres, suivi des figures de l'allégeance en partie 2, a été publié chez le même éditeur en 2015. Documentation musicale Antoine Villose, iconographie web Claire Poinsignon, réalisation Laure-Hélène Planchet, présentation Meryl Moneghetti. Lundi, nous poursuivrons en compagnie d'Alain Supiot l'analyse des figures de l'allégeance et l'interrogation d'un régime de travail réellement humain. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.